La montre de Lord Winter par Edmond Pilon. Dans son hôtel ancien d'Oxford Street, qui fait face, près de Marble Arch, aux pelouses fauchées et aux bois épais de Hyde Park, Miss Arabella Shaftesbury conserve sous de hautes vitrines des vieilles montres de tous les pays et de tous les temps. Toutes, assure-t-elle, ont une histoire, toutes réveillent, dans le souvenir, quelques pensées et quelques faits. Des petites folles qui, comme nous, ont connu des passions et battu sur des cœurs, my dear, voilà les montres. Nous étions si étonnés que nous ne pouvions sans sourire écouter Miss Arabella. Celle-ci s'en aperçut bien, et pour nous répondre, elle prit une mignonne clé d'or, ouvrit l'une des vitrines, s'empara d'une de ses montres romanesques et la plaçant sous nos yeux. Cette montre-ci, par exemple, dit-elle, elle vient d'un grand-oncle à moi, Lord Percival Winter, qui l'acheta vers 1820 dans Piccadilly à un émigré français. Vous allez voir comme son histoire est triste, my dear. Pour ne point s'affecter trop des suites d'un préambule aussi grave, Master Fred Williams, à qui s'adressait Miss Arabella, se versa un grand verre de gin, et c'est pendant que Master Fred buvait, et que par les hautes fenêtres nous voyons, ainsi que dans les estrampes de Vernet, filaient les cavaliers et les Tilbury, que Miss Arabella conta l'histoire de la montre de Lord Winter. Et d'abord, elle nous dit combien, en son temps, Lord Winter était beau, séduisant, et frappait les yeux par son visage au trait noble, son regard chargé de rêves, et cet aspect un peu fatal, qui enveloppait alors tout entier son être. Lord Percival n'avait pas 25 ans, que par son allure cavalière, ses réparties vives, son élégance rare, il apparaissait parmi les beaux et les belles de Saint James, recherchés par la gentry la meilleure de Londres. Il fallait, paraît-il, dit Miss Arabella, le contempler d'ici, lorsqu'il passait, voici plus de 80 ans, en bottes vernies, stick en main, son habit à la Dorset piqué d'un œillet et monté sur son beau pur sang sous ses vieilles futaies de Hyde Park. D'où vient qu'un homme, si continuellement fêté, riche, doué des qualités les plus rares du cœur et de l'intelligence, éprouva le désir de quitter l'Angleterre un jour, de laisser là ses biens, ses titres, ses parents et ses amis pour s'en aller, à la suite de Byron, aidé de son argent et de son épée à la délivrance de la Grèce asservie, c'est un secret que nul ne connut jamais bien. 1h20 pourtant, marquée par la montre que voici, où Lord Winter, suivi d'un bagage et de quelques domestiques, quitta sa grande île pour le continent, gagna la France et vint à Marseille s'embarquer sur une goélette qui tenait mal la mer. Tous les malheurs de Lord Winter datent de cette minute. La petite goélette, qui devait porter les volontaires jusque dans le Levant, mise fort mal en point par la tempête, ses mâts brisés, ses voiles arrachées, commençant d'être envahie par l'eau, fut en effet contrainte, peu après son départ, à relâcher dans l'île de Corse, au golfe Saint-Florent. Là, dit Miss Arabella, mon grand-oncle descendit, et pour occuper le temps, en attendant la réparation du navire, il se mit, comme il était grand chasseur, suivi de chiens, chaussé de bottes, le fusil en main, à parcourir seul, parmi les arbousiers et les cactus, tout ce nord de l'île qui est si sauvage d'aspect, mais est en même temps si séduisant par toutes les lumières qui enveloppent l'eau et le paysage, par tous les parfums qui montent, ainsi qu'un souffle doux et tiède, des massifs des arbres et des touffes des fleurs. Entraîné à la poursuite du gibier, sans guide et surpris par la nuit, Lord Winter va frapper la porte du vieux château du marquis Maggiore, un noble napolitain compromis jadis pour avoir soutenu trop le gouvernement de Murat et vivant là, en exil, non loin de Rogliano, au milieu des bois. Ce n'était pas un mauvais homme, ce marquis Maggiore. L'exil avait assagi un peu son ardeur et donné plus de réserve et de gravité à son caractère. Mais quelque chose de l'emportement de sa race, de la vivacité bouillante de ses aïeux, se trahissait malgré tout encore à l'éclair de certains de ses regards, à la saccade un peu nerveuse de ses gestes, aux colères souvent mal réprimées dont il rudoyait autour de lui ses gens. Au reste, un fort correct gentilhomme, et qui avait une bien belle femme, une beauté du genre de Lady Hamilton, toute pétrie de grâce, chargée de langueur, enveloppée des voiles d'écharpe folles et longues. Prompt comme il l'était, sensible au-delà de la raison, Lord Percival, ne put voir sans l'aimer une créature aussi exceptionnellement captivante. En vain, poursuivi de scrupules, retenu par le sentiment des convenances, enfin par une respectabilité dont il connaissait plus que personne les usages, s'efforça-t-il de ne point céder à son penchant. La jeune marquise Maggiore avait un de ces charmes auxquels les plus forts ne résistent pas. Lord Percival fléchit et, devenu l'hôte de l'exilé, ne tarda pas de le trahir dans sa maison même. Un jour qu'il rentrait seul de la chasse, le marquis Maggiore surprit son épouse au bras du jeune lord. Alors, comme il était d'un pays où ces choses-là ne se règlent que par le duel, ils se battirent tout de suite et au pistolet. Surpris, jeté au comble de la honte et de l'horreur, Lord Winter se défendit mal. Une première balle de son adversaire vint frapper contre cette montre et l'arrêta net. Une seconde vint le toucher en plein cœur. Lord Winter fut, durant la nuit même, inhumé clandestinement au fond du maquis. Le seigneur Maggiore ne conserva de lui que cette montre seule. Alors commença entre les époux la plus effroyable des existences. Vieilli, devenu rude et bougon, le noble exilé ne quitta plus les abords de son château, sur lequel il veillait, toujours armé. Le plus terrible est qu'il s'était, dans sa taciturne et sauvage réserve, imposé le silence le plus absolu vis-à-vis de sa compagne. Dans le gousset de son gilet de velours de chasse, il avait mis la montre de Percival, la montre qui s'était arrêtée un peu après l'heure de la faute, au moment de la mort du lord. Et à chaque prière, à chaque supplication, à chaque sollicitation de pardon que lui adressait sa femme désespérée, le furieux ne répondait plus qu'en faisant voir la montre. Cela devint de sa part une manière de supplice. La pauvre marquise était-elle souffrante? Demandait-elle du secours? La montre. Appelait-elle sur elle, de toute la force de ses vœux, l'oubli du passé, la miséricorde de son maître? La montre. Suppliait-elle pour son nom, son honneur, sa famille? La montre. Demandait-elle à recevoir un confesseur auquel elle eût pu confier sa faute, duquel elle eût reçu l'absolution? La montre. Le tourment de la montre inexorable, rappelant et marquant le souvenir ineffaçable du passé. Voilà ce que le seigneur napolitain imagina avec une persistance farouche pour accabler, sous le poids du remords, cette malheureuse. Ah! Que la mort la plus prompte eût donc semblé douce à une femme poursuivie aussi cruellement des effets de la vengeance. Mais une telle délivrance n'était pas du tout ce qui convenait à son bourreau. Le marquis Maggiore n'était pas seulement vindicatif, mais raffiné. Il fit durer ce supplice de l'heure jusqu'à 6 ou 7 ans. Pendant 6 ou 7 ans encore, la prisonnière dut, à tous les moments du jour, où il lui arrivait d'élever la voix ou de tendre les mains, voir le cadran fatal paraître à ses yeux. Il advint alors que ses yeux eux-mêmes, si doux autrefois, brûlés par le sel des larmes, ne furent plus en mesure de voir. Et non seulement le regard, mais la fraîcheur de la beauté, la vivacité de la jeunesse, disparurent peu à peu de ses visages où tant de grâce avait souri, où tant de charme avait rayonné jadis. Accablé de douleur et de souffrance, affligé au-delà du possible, la marquise Maggiore succomba enfin. 1h20, la dernière, où la montre fatale fut offerte encore à sa vue. Mais alors, loin de la redouter cette fois, cette montre immobile, qui marquait toujours depuis tant d'années la même heure funeste, elle supplia de l'obtenir, de la prendre, ainsi qu'un objet cher, entre ses mains. Et là, tandis que le souffle la quittait, elle appuyait cet objet sur elle, elle le pesait, le maniait, l'embrassait même. Et son suprême bonheur fut sans doute, au moment de passer, de serrer sur son cœur brûlant ce petit cœur d'une montre, qui s'était arrêté de battre, bien longtemps avant le sien, en même temps que celui de Lord Winter. « Ma famille, conclut Miss Shaftesbury, émue de la disparition de son parent, se livra bientôt pour le rechercher à toutes les investigations. L'indiscrétion de quelques paysans permit enfin, au bout d'années nombreuses, de découvrir la vérité. Mais à ce moment, le marquis et la marquise Maggiore étaient morts tous deux. L'on ne put recouvrer que la montre. « My dear, dit-elle, voyez-la. La balle a pénétré ici, puis est ressortie par le boîtier. L'aiguille d'or s'est arrêtée à 2 heures. » À ce moment, comme pour accentuer le récit de la jeune fille, à la haute pendule du salon, deux coups tintèrent. Alors, Master Fred Williams, ému plus qu'il ne voulait le paraître, acheva de vider d'un seul trait son verre de gin. C'était la montre de Lord Winter par Edmond Pilon.